pourquoi pas toi? Ils ont pris des sous. Pourquoi pas nous? C'est chacun son chemin. Pourquoi parler? T'attends que les gens y passent, toi, pour faire pareil. Le bien que j'ai fait, ils ont oublié. Quand je pense à ça, des fois j'ai envie d'oublier. Là je suis sous piaf, c'est tout pour la vie, faut ramener moi mes billets. Elle m'a dit nous deux c'est pour la vie. Quand je rentre je la vois pas, mon pote ça fait comme un vide. Là je suis dans un film, j'ai l'impression que tout va vite. J'suis dans un film, j'ai l'impression que tout va vite. Tu m'arraches, j'ai contourné la tête, tes keufs ont fait un barrage. T'as pas payé tes dettes, et ta tête on l'arrache. Je suis un fond dans le façade, dégagé du passage. On reste dans l'ombre, on juste pas le pit, on s'en bat les couilles. Garde tes bouteilles, tes strass, tes paillettes. Ta malade de pièces, elle est pas pour nous, nous on préfère parler caché, PNF, mitraillette. La reconnaissance ils connaissent pas, ils font les gros bonnets, en fait c'est tous des lèches-pattes. Mais bon, t'inquiète pas, la fierté on perd pas. Même en tort, ma tête ça pèse pas gros. Choses entre nous. Oh. Merci la team.